Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a organisé le 2 décembre une séance d'information pour les représentants diplomatiques en Corée à propos de l'adoption le 30 novembre dernier au Conseil de sécurité de l'ONU d'une nouvelle résolution de sanctions contre notre République. Han Song-yeol, vice-ministre coréen des Affaires étrangères, a déclaré que la nouvelle mesure du Conseil de sécurité de l'ONU accusant notre essai d'explosion d'ogives nucléaires qui a eu lieu en septembre dernier est un nouvel abus de pouvoir et une violation de la souveraineté au-delà de sa fonction, reniant entièrement le droit à l'autodéfense de notre République avant de la rejeter complètement. Et de le continuer. Les États-Unis sont la source du problème nucléaire dans la péninsule coréenne et ce sont eux qui nous ont poussés à détenir le nucléaire. La réussite de notre essai d'explosion d'ogives nucléaires, livré en septembre dernier, est une des parties de la mesure de riposte pratique contre la menace et la sanction nucléaire des forces hostiles, les États-Unis en premier lieu, qui mettent en cause le droit autodéfensif de notre État. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a aucun droit d'interdire le droit à l'autodéfense d'un État souverain, tel que les mesures de renforcement de la défense, incluant l'essai nucléaire. De même, il n'y a aucune définition aussi bien à la charte de l'ONU que dans le code juridique international qui stipule que l'essai nucléaire constitue une menace contre la paix et la sécurité du monde. C'est pourquoi que l'Office de l'ONU ne donne jusqu'à présent aucune réponse à la lettre de notre délégué à l'ONU qui a demandé au secrétaire général de l'ONU en mai dernier d'éclaircir la contradiction juridique de la résolution de sanctions contre notre pays, bien que 6 mois ont déjà passé. La dernière résolution de sanctions contrevenant à la souveraineté, au droit à l'existence et au développement de notre pays ne provoquera que notre mesure de riposte autodéfensive plus puissante.